إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واستغفروه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون عباد الله نسمع عن عقيدة التوحيد وأنه يجب على الإنسان أن يعتقدها ويتمسك بها ويعد عليها بالنواجذ وأنها مصدر سعادته وفوزه في الدنيا والآخرة فما هذه العقيدة؟ إنها عباد الله العقيدة التي دعت إليها جميع الرسل وأنزلت بها جميع الكتب ألا وهي الإقرار الجازم بوحدانية الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وكل قسم من هذه الأقسام يستحق خطبة مستقلة ولكن الذي أريد أن أتكلم عنه هو توحيد الله في ألوهيته وأنه لا إله إلا هو هذه الكلمة العظيمة التي من نطق بها دخل في الإسلام وصار له مال المسلمين وعليه ما عليهم لأنه شهد بأن لا إله إلا الله ومن لازمها ومن لوازمها الشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم وخليله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله حقا وصدقا وهو رسول لجميع الثقلين من الإنس والجن عباد الله لهذه الشهادة العظيمة التي يدعو بها المؤذنون من فوق المنابر وفوق المنارات 5 مرات في اليوم والليلة والتي يقولها كل مسلم أكثر من مرة في يومه وليلته في صلواته المفروضة وفي تطوعاته وأوراده إن هذه الكلمة لتدل على معنى عظيم وأمر كبير ألا وهو أنه لا معبود بحق إلا الله لا يوجد معبود يعبد بحق سوى الله عز وجل فمن عبد الأصنام والأوثان وعبد الأحجار والأشجار والشيطان ومن عبد النار والظلمة ومن عبد البقر ومن عبد الهوى والشهوة ومن عبد الدرهم والدنيا فعباداتهم باطلة وقد قال سبحانه وتعالى لمن يعبد غيره إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون وقال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وقال عن نبيه إبراهيم إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقال يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا وقال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة إنها عباد الله شهادة عظيمة تدل على التجرد الكامل لله سبحانه وتعالى والتأله له والتعبد له وإفراد القول والقصد والعمل له سبحانه وتعالى ولقد عرف السلف الصالح من هذه الأمة قدر هذه الشهادة وعظم مكانتها وكبير شأنها فحققوا معناها تحقيقا كاملا وذلوا لخالقهم ذلا كاملا وخضعوا لعظمته خضعانا تاما فعبدوه بما شرع فأتمروا بأوامره وانتهوا عن نواهيه واتبعوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به أو نهى عنه مستجيبين لقوله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فحصلوا الأنس والسعادة وفازوا بالذكر الجميل والثناء الحسن في الآخرين وأما في هذا الزمان الذي انتشر فيه الفتن وكثرت فيه المحن فقد ابتلي المسلمون بالمشككين في الدين والمهونين أمر العقيدة وشهادة التوحيد والحاطين من قدر العبادة والأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة وابتلي كثير منهم بضحالة العلم الشرعي وضعفه والاهتمام بعلم الاقتصاد وعلم المادة وعلم السياسة والانصراف إلى الدنيا والانشغال بعلومها التي تسيرها تسييرا ماديا بحتا فكان من آثار ذلك أن خف قدر هذه الشهادة العظيم في قلوب بعض المسلمين وإن لم نقل يعني في كثير منهم وأصبحوا ينطقون بهذه الشهادة وهم غافلون عن معناها ومغزاها ووقع بعضهم فيما ينقض هذه الشهادة ويبطلها والعياذ بالله من حيث لا يشعرون ووقع أكثرهم فيما ينقص كمال هذه الشهادة ولو سألتكم عباد الله عن معنى هذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله لقلتم معناها أنه لا معبود بحق إلا الله إذن ليس الشأن في النطق بها فحسب فقد نطق بها المنافقون ولكن لم تنفعهم بل حكم الله عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار ولن يجدوا لهم من دون الله نصيرا ونطق بها عباد القبور والأولياء الذين يعبدون الأموات ويعبدون قبور الأنبياء والصالحين ولكن كونهم نطقوا بهذه الشهادة وهم يعبدون غير الله من الأموات والقبور لن ينفعهم نطقهم بها فلو ماتوا على هذا العمل لماتوا وهم كفار ومأواهم النار ولا يخرجون منها أبد الآباد ودهر الداهرين ونطق بها بعد الملحدين الشاكين المشككين ولكن لا ينفعهم نطقهم بها ونطق بها وينطق بها من يواد أعداء الله أو يحب أعداء الله وأعداء رسوله ووالاهم وأحبهم وربما فضلهم على المسلمين ولكن لا لن تنفعهم هذه الشهادة ولو نطق بها ألف مرة. ولو سألتكم عباد الله عن معنى لا إله إلا الله لقلتم معناها لا معبود بحق إلا الله. والمصيبة كل المصيبة أننا ابتلينا في هذا الزمان بمن يلبس على المسلمين أمر هذه الشهادة. تقدموا قليلا بارك الله فيكم. ابتلينا في هذا الزمان بمن يلبس على المسلمين أمر هذه الشهادة ويقول إن من نطق بها فهو موحد ومآله إلى الجنة ولو عمل أي عمل، يعني ولو عمل بالشرك بالله، ولو كفر يعني أو وقع في ناقد من نواقض الإسلام، ولو خالف ما تدل عليه هذه الشهادة فيعتبرون أنها مجرد النطق بها يكفي. حتى أحيانا الذي ينطق بها وهو يعتقد خلافها ويظن أنها تنفعه، والعياذ بالله. ونسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الزيغ والميل. كلا، من يعترض على بعض الأحكام الشرعية عن علم، يعترض عليها ولا يحبها ويكرهها أو يظن أنها أن فيها ظلم، يعني يظن أن في بعض أحكام الإسلام وبعض أحكام التي أنزلها الله فيها ظلم أو نوع من الظلم في بعض الأحكام، ومثلا بالمواريث، ويظن أنه لا يصلح، لا تصلح، يقول الشريعة لا تصلح في هذا الزمان كما يقول بعض الناس. يقولون نحن في زمن الفضاء والصناعة والتكنولوجيا والكمبيوتر وزمن التحضر والتقدم، ثم بعد ذلك ينتقدون ويرفضون الأحكام الشرعية ويأخذون ما يرضيهم وما يخالف هواهم يجحدونه ويرفضونه ولا يؤمنون به. كلا، هذا الذي يكون بهذه الصفة ويقول لا إله إلا الله لا تنفعه. ومن يترك بعض الواجبات سوى الصلاة ويفعل بعض المحرمات سوى الشرك، يعني نقول هذا شهادته ناقصة، يعني نقول ليست باطلة، شهادته صحيحة ولكن ليست كاملة كما ينبغي. حتى يتحقق المسلم شهادته حقيقة في حقيقة معنى هذه الشهادة لابد أن يجتهد في ترك المحرمات وفعل الواجبات حتى يكون توحيده يكون التوحيد عنده قوي. أما إذا يعني وقع في معاصي، في بعض المعاصي ووقع في البدع والمحرمات التي لا تصل إلى درجة الكفر الأكبر والشرك الأكبر، هذا لا يخرجه من الإسلام وشهادته صحيحة ولكن ليست كما ينبغي، ليست إلى درجة الكمال التي ينبغي. فنسأل الله لهذا النوع من المسلمين أن يجتهدوا في عباداتهم وفي ترك المحرمات وأن يتوبوا إلى الله من ذنوبهم حتى يعني يقووا شهادتهم وإيمانهم بلا إله إلا الله. عباد الله، ليست هذه الشهادة كلمة تقال على اللسان فحسب، بل هي قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فاحذروا من يلبس عليكم فيها ويأتي بنصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يشكك بها عليكم أمر التوحيد فلتكن على حذر دائما منهم بل إنهم لم يتركوا حتى أولاد المسلمين الصغار في حالهم على فطرتهم وبراءتهم فجعلوا لهم حظا من سهام خبثهم وإجرامهم لكي يلطخوا فطرتهم التي ولدوا عليها في قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام على التوحيد فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يريدون أن ينشأوا صغار المسلمين من ذكور وإناث وعقيدتهم مزلزلة ومشوشة وذلك عن طريق يعني الأفلام التي خصصوها للصغار أفلام رعب وعنف أفلام خيال ووهم وكذب أفلام كرتون يعني الرسومات المتحركة مليئة بما يناقض عقيدة التوحيد وأحيانا الوالدان يسمحون لأولادهم أن يشاهدوا مثل هذه الأشياء ولكن لا يراقبون ما يبث في هذه الأفلام فلا بد من المراقبة لا تظنوا أن كل ما في هذه الرسومات المتحركة ساذج يعني ليس فيها شر أكثرها فيها سحر وفيها المدح مدح للسحر ومدح لأمور كثيرة تخالف الإسلام والآباء أحيانا غافلون عن هذا بعيدون عن ما يسمعون إليه وما يشاهدون هذا خطير جدا فهذه مليئة بما يناقض عقيدة التوحيد فنحن في زمان عجيب وخطير ويجب أن نتنبه ونحافظ على عقيدتنا ويعني نفعل كل ما نستطيع حتى نحمي أولادنا وأنفسنا مما يفسد العقيدة وينقصها فإننا إذا لم نسلم لنا هذه الشهادة فنحن على خطر عظيم لا شك وإذا وقفنا أمام الله يوم القيامة فماذا سنقول لرب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد serviteur d'Allah craignez Allah et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour vos péchés et revenez repentant vers Allah comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie et repentez-vous tous vers Allah ô vous les croyants pour que vous puissiez avoir le succès serviteur d'Allah on entend souvent parler de la aqidah du tawhid le mot aqidah c'est-à-dire la conviction profonde la croyance certaine et on en entend parler souvent et on mentionne qu'il est obligatoire à l'homme à l'être humain d'avoir cette croyance profonde en Allah et en l'unicité d'Allah et qu'on doit s'y accrocher pour obtenir le bonheur et la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Mais qu'est-ce que cette aqidah? Qu'est-ce que cette croyance? Et la aqidah vers laquelle les prophètes et les messagers d'Allah ont appelé les hommes et avec laquelle les livres d'Allah ont été révélés, c'est la croyance certaine et la déclaration ouverte de l'unicité d'Allah, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est un et unique dans ses noms et dans ses attributs, dans sa seigneurie et dans sa souveraineté, et dans son adoration, dans le sens que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et ça c'est al-ubudiyya, on dit tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans son adoration, dans le sens que personne d'autre que lui ne mérite d'être adoré. Et il est unique dans sa seigneurie et dans sa souveraineté, dans le sens que c'est lui seul le maître de toutes choses. Et que c'est lui seul qui a tout créé. C'est lui seul qui fait vivre et qui fait mourir. Et c'est lui seul qui donne la subsistance à toutes choses. Et il n'a aucun partenaire et associé dans cela. Donc de la même manière qu'il n'a aucun partenaire et associé dans sa souveraineté, dans son pouvoir, dans sa création, dans le fait qu'il est le maître de l'univers, il n'a pas non plus d'associé, de partenaire dans l'adoration non plus. Et il faut croire aussi en l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Que ses noms parfaits, et ses qualités et ses attributs divins n'appartiennent qu'à lui. Et que personne ne les partage parmi ses créations avec lui. Et qu'il n'est pas permis d'attribuer aux créatures des attributs divins, et il n'est pas permis de donner au Créateur et à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs de sa création ou des caractéristiques de sa création. Et que si on parle d'Allah, on doit parler d'Allah comme il a parlé de lui-même dans sa révélation, ou de la façon dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de lui. Mais on n'a pas le droit de décrire Allah subhanahu wa ta'ala selon notre propre imagination ou selon notre propre raison, et de penser ou de parler d'Allah sans science. On a uniquement le droit de dire à propos d'Allah ce que Allah lui-même a dit dans le Coran et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la Sunna. Et donc tout ça, bien entendu, si on voudrait élaborer sur chacune de ces catégories dans le tawhid et dans l'unicité d'Allah, on pourrait faire plusieurs khutab sur chacune de ces catégories, et on ne pourrait pas, bien entendu, les clarifier en détail dans tous les points, mais il est possible quand même de résumer une de ces catégories aujourd'hui, et c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et c'est exprimé par la parole du témoignage de la foi que chacun d'entre nous prononce plusieurs fois par jour dans ses prières, dans ses prières obligatoires, dans ses prières surérogatoires et dans différents rappels et dans plusieurs invocations qu'on prononce et qu'on dit durant la journée également et qu'on entend dans l'adhan également. C'est le témoignage de la ilaha illallah, qui signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est important de comprendre que la signification de la ilaha illallah, ça ne signifie pas qu'il y a seulement un seul Dieu et que ce Dieu-là c'est Allah. Puisque il y a beaucoup de gens qui sont dans le shirk et dans le kufr et qui témoignent de ça et qui disent il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et que Allah c'est le seul créateur et le seul maître. Regardez les juifs. Si vous demandez aux juifs est-ce qu'il y a un seul Dieu, ils vont dire oui, il y a un seul Dieu. Hein? Et si vous demandez aux chrétiens est-ce qu'il y a un seul Dieu, ils vont dire oui, il y a un seul Dieu. Bien entendu, par la suite, ils disent qu'il est trois en un. Et ils ont dévié dans ça. Ils ont donné un partenaire à Allah dans la rububiyya, en croyant que Dieu a un fils. Donc ça, c'est un shirk dans le tawhid al-rububiyya. Et ils ont fait le shirk aussi dans al-uluhiyya, c'est-à-dire dans l'adoration, parce qu'ils prient à Jésus, ils prient à Marie, ils prient aux saints, ils prient aux croix, ils prient aux images, ils prient aux statues. Et ils prétendent malgré tout être monothéistes. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une contradiction. Tu ne peux pas être monothéiste et adorer plusieurs. Si tu es monothéiste, ça veut dire que tu dois adorer seulement Allah. Comme il y a par exemple des gens qui se disent musulmans, qui disent « La ilaha illallah », puis qui prient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui prient aussi à des saints, ou à des tombes, ou à des morts, et qui leur demandent de l'aide en dehors d'Allah, qui font des demandes d'intercession, à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, parfois même qui prient au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui lui font des invocations et des doigts au lieu de demander à Allah seul. Comme les chrétiens prient à Jésus, eux ils prient au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou ils prient à Abdul Qadir al-Jilani, ou ils prient à Ahmed al-Tijani, ou ils prient à Ahmad Bamba, ou ils prient à un autre parmi les soi-disant awliya que les soufiyins hein, ont pris comme référence dans leur religion, alors que souvent ce sont des gens qui étaient loin de la compréhension réelle de l'islam. Donc tout ça, c'est très important de le comprendre. On retrouve ça aussi chez les juifs. Les juifs qui disent « La ilaha illallah » et pourtant ils attribuent à Allah des fils, ou bien ils prient à des saints. Hein? Donc tout ça, c'est des exemples de shirk. Et la même chose, on le retrouve, hein, dans plusieurs autres religions. Et même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes de son époque, de Quraysh, les tribus de Quraysh et les autres tribus de la péninsule, ils croyaient en Allah. Et ils adoraient, ils priaient à Allah aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans plusieurs versets dans le Coran. Il dit « Voilà, in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard, la yaqulun Allah. » Si tu demandes à ces Arabes de l'époque qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire que c'est Allah. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on ne les considère pas comme étant des muwahhidin? Pourquoi on ne les considère pas comme étant musulmans? Malgré qu'ils disent que Allah, c'est lui le créateur. Il a créé les cieux et la terre. Mais pourquoi on ne dit pas qu'ils sont musulmans? Parce qu'ils adorent avec Allah des statues et des idoles et des, hein, et d'autres avec Allah. Et ces idoles-là, qu'ils adorent, ces statues, ces représentations, il ne faut pas s'imaginer qu'eux, ils pensent que ce sont ces statues qui ont créé les cieux et la terre. Ils savent très bien que ce sont eux-mêmes qui ont fabriqué ces statues avec leurs propres mains. Et donc, ils savent très bien que ces statues-là n'ont rien créé du tout. Et donc, l'idolâtrie qu'ils font, c'est pas dans le fait de croire que ces statues ont la capacité de créer quoi que ce soit. Mais l'idolâtrie qu'ils font avec ces statues, c'est de les prendre comme intermédiaires et intercesseurs dans leurs adorations entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire de passer par ces idoles pour se rapprocher d'Allah, au lieu de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala directement. Et donc ça, c'est ça le shirk qu'ils faisaient. Et donc, quand tu regardes le fait que, par exemple, ces gens-là disent « Oui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala le seul créateur, c'est lui qui a créé les cieux et la terre », ça ne les a pas sauvés, hein, du shirk. Donc, pour être sauvé du shirk, non seulement il faut reconnaître qu'Allah c'est le seul maître, le seul créateur, mais il faut également se désavouer et rejeter tout ce qui est adoré par les êtres humains en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'est-ce que cette chose-là peut être. Même si c'est un ange, même si c'est un prophète, même si c'est un homme pieux, même si c'est un saint, peu importe. Même si c'est un arbre ou un djinn, si tu l'adores en dehors d'Allah, tu as commis le plus grand péché qui soit, c'est le shirk billah. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Celui qui fait le shirk avec Allah, hein, Allah lui interdit le paradis et sa destination sera l'enfer. Hein? Et pour les injustes, il n'y aura pas de secoureur. Et il mentionne également que, يعني, إنه من يش, il dit, ومن, dans un ayah, Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الله لا يغفر أن يشرك به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, c'est-à-dire qu'on adore quelqu'un avec lui ou d'autres que lui. Mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Donc tout ça, c'est pour faire comprendre que c'est pas seulement le fait de dire « La ilaha illallah » avec la langue qui va nous sauver, qui va nous faire rentrer au paradis, mais il faut également comprendre ce que ça signifie, ce que ça implique. Et bien entendu, il faut le déclarer et il faut le prononcer et il faut le mettre en application également. Et il faut condamner ce que l'islam est venu interdire de ces choses-là, par exemple. Donc, on n'a pas le droit, par exemple, un musulman, il n'a pas le droit de dire, moi, tout ce que les gens, autres que les non-musulmans, ce qu'ils adorent, c'est leur religion et ils ont raison dans ce qu'ils font. Et c'est correct. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé ce que les mushrikoun adorent en dehors d'Allah, il l'a appelé al-batil. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ. Il a dit ceux qui ont cru au batil et qui ont rejeté la foi en Allah. Donc c'est soit que tu crois en Allah seul et que tu n'adores que lui, ou que tu crois au batil. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'est-ce qu'il y a après la vérité excepté l'égarement? Rien. Donc ça c'est très important. Et j'ai entendu un prêcheur, parmi les prêcheurs de l'égarement, qui disait, il ne faut pas dire par exemple les mécréants. En français, il disait ça en français. Il ne faut pas dire les mécréants, il faut dire non-musulmans. Pourquoi? Parce qu'il dit parce qu'eux, ils croient en quelque chose. Donc, puisqu'ils croient en quelque chose, il ne faut pas dire qu'ils sont mécréants parce qu'ils croient. Et donc, ça, c'est une erreur de compréhension. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés des kafirun et des kuffars en arabe. Et le terme kuffar, ça ne veut pas seulement dire non-musulman. Ça veut aussi dire celui qui renie et qui rejette la foi, la vraie foi et la vérité. Donc, même s'ils croient en qu'est-ce qui est faux, ça ne fait pas d'eux des vrais croyants ou des croyants en la vérité. Ça fait d'eux des gens qui croient en ce qui est faux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.